Eh, vas-y, viens me voir, s'il te plaît. Viens. Écoute. Envoie un putain de sample et je te prends un putain de son. 1. Ton joint qui m'assomme, je te raconte mes frustrations. 2. 3. Conneries et les keufs tracent ton phone. Je dédicace mon code postal et suppose t'es qui t'as son code. J'passe mon temps, rien foutre, la rime est spontanée. Mais mes gars font tacler loin des terrains de foot. On est tous condamnés, on se tamé, donc on touche toute la nuit. On vit sur la touche toute l'année. Ici tout arrive, j'ai perdu le goût de la vie. Écoute, ma routine est toute rennaise. En fait, on fait des fous sous tease et on traîne même sous la grêle. On s'écroule sous la pression de nature agressive. J'ai l'impression qu'ici on t'apprécie pour ce que t'as de précieux. Je précise, la tease nous tue en toi, de façon t'es pas pressé. Paresseux, on finira par regretter. Il est temps de suivre la vie que j'ai imaginée, mais. Mais comment faire le tour du monde sans carte imaginaire? Envoie un putain de sample et je te prends un putain de son. 1. Sélectionne un kit, serre, kick, sorry. Le cœur est un métronome. Car le hip hop n'est pas ce sample. Envoie un putain de sample et je te prends un putain de son. 1. Sélectionne un kit, serre, kick, sorry. Le cœur est un métronome. Car le hip hop n'est pas ce sample. Les années défilent et l'argent nous divise. Une fois sous Rome, on aime défier les flics pour montrer qu'on est fort. On se dévisage, les visages commencent à faire les tapes en bois. Et penser qu'entre de bonnes mains, parce qu'on leur met des grands watts. Je prends sur moi depuis quelques temps, j'ai du mal à me faire entendre. Car je vante pas la galère, ni les guerres de gang. Mes mains des mineurs te rend marginal. Si tu prends l'appel maximal, à part un cisra qui te remerciera. Frère, si je rappe, c'est pour dire des choses. Marme de passion, j'avale ma souffrance pour en vomir les causes. Toujours sous tension, certains se butent au nom de la rue. D'autres font du pipe ou de la flûte, c'est toujours la même chanson. On s'enfonce, on traîne, beaucoup vivent dans le négatif. Le bonheur est cher, y'a que la violence qui est gratuite. Le pic comme fer de lance, après 2-3 flashs. Les montagnes se croisent pas, mais les lascars se foncent dedans. Envoie un putain simple et je te prends un putain de son. 1. Sélectionne un kit, serre, kick, sorry. Le cœur est un métronome. Car le hip-hop n'est pas ce son. Envoie un putain simple et je te prends un putain de son. 1. Sélectionne un kit, serre, kick, sorry. Le cœur est un métronome.